إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن سرور القلب موجود في إنابة العبد إلى الله عز وجل، والإقبال عليه والاستعانة به، والرجوع إلى الله عز وجل، والإنابة إليه عبادة من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربي، عليه توكلت وإليه أنيب. وأثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم لاتصافه بالإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمر. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ومن دعاء الخليل عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والمنيبون إلى الله هم خير من يصحبهم المرء في حياته. يقول سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. Sachez que la réjouissance du cœur et le fait que la poitrine s'épanouisse, les causes de cela, ou l'une des causes les plus fortes qui amènent cette sérénité du cœur et cet épanouissement de la poitrine, est le fait de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal fait partie des adorations les plus immenses. C'est une adoration qu'ont mis en pratique les prophètes et envoyés d'Allah alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit au sujet de Daoud alayhi salam, selon le sens Daoud: Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit en revenant vers son Seigneur. Et il dit Azza wa Jal au sujet de Sulayman alayhi salam: et nous avions certes éprouvé Sulayman en plaçant sur son siège un corps. Ensuite il se repentit en revenant vers Allah. Allah Azza wa Jal a effectivement éprouvé Sulayman lorsqu'il l'a privé de son royaume un certain temps, que à la place de Sulayman est venu un diable qui a pris possession de son trône. Puis Sulayman alayhi salam est revenu repentant vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Shu'aib alayhi salam a dit: et ma réussite ne dépend que d'Allah, En lui, je place ma confiance et vers lui, je reviens repentant. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit comme Allah azza wa jal, nous, le rapport dans Surat Shura, ainsi Allah est mon Seigneur. C'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Et Allah azza wa jal a fait l'éloge d'Ibrahim. Allah azza wa jal a fait l'éloge de son ami intime Ibrahim. Ibrahim, qui parmi ses caractéristiques est qu'il revient repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal dans le verset 75 de Surat Hud, Ibrahim était certes très implorant et repentant. Et parmi les invocations d'Ibrahim alayhi salam, il disait Rabbana alayka tawakkalna, ô notre Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance, et c'est vers toi que nous revenons repentants, et c'est vers toi que sera le retour. Et ceux qui se repentent en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures personnes que tu puisses prendre comme amis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Luqman, essuie le chemin de ceux qui reviennent repentants vers moi. وَالْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ هي مفتاح السعادة والهداية قال سبحانه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب والبشارة لأهل الإنابة قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ولا يعتبر بالآيات ولا يتعظ بالعبر إلا المنيب إلى ربه قال عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وهو المتذكر بنزول النعم قال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والإنابة إلى الله عز وجل مانعة من عذاب الله قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والجنة أعدت نزلا للقلب الخاشع المنيب قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وأمر الله جميع الخلق بالإنابة إليه والرجوع إليه قال سبحانه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وحقيقتها أي حقيقة الإنابة الرجوع إلى الله والإنابة منزلة أعلى من التوبة فالتوبة إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على عدم العودة إليه أما الإنابة تدل على ذلك وتدل على الإقبال على الله بالعبادات قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Et le fait de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala est la clé du bonheur et de la guider. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit Allah égare qui il veut et il guide vers lui ceux qui se repentent. La bonne nouvelle sera annoncée à ceux qui reviennent repentants vers Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont délaissé l'adoration du Tarout et reviennent repentants vers Allah, à eux la bonne nouvelle. Et ne médite les signes d'Allah. Que ceux qui reviennent repentant vers leur Seigneur, il dit Azza wa Jal, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Et celui qui se repent et revient vers Allah Azza wa Jal repentant est celui qui véritablement se rappelle et prend conscience des bienfaits dont il jouit de la part d'Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala, et il fait descendre Et il fait descendre pour vous du ciel une pourvoyance, mais ne se rappelle que ceux qui viennent vers lui repentants. le fait de revenir repentant vers Allah empêche le châtiment d'Allah. Il dit Azza wa Jal, et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment et que vous ne trouviez aucun secoureur. Et le paradis a été préparé pour celui qui a un cœur repentant vers Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux. Et Allah Azza wa Jal a ordonné l'ensemble des créatures de revenir repentant vers lui subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, ils reviennent repentant vers lui. Craignez-le et appliquez et accomplissez la prière et ne faites pas partie des polythéistes. Qu'est-ce que le fait de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal? C'est un degré qui est supérieur au repentir. Car le repentir signifie le fait d'arrêter un péché, de regretter de l'avoir commis et d'avoir la forte résolution de ne plus le recommencer. Quant à revenir repentant vers Allah, appelé al-inaba, elle a le sens du repentir, mais plus encore, elle a un sens supérieur qui est le fait que celui qui revient repentant vers Allah, en plus de se repentir de son péché, de regretter celui-ci, d'avoir la ferme résolution de ne plus le recommencer, celui qui se repent et revient vers Allah Azza wa Jal accourt vers les adorations et les bonnes actions. Il dit Azza wa Jal, les bonnes actions effacent les mauvaises. Voilà donc un rappel pour ceux qui méditent. وَمَعَ مَطَالِعِ هَذَا الْعَامِ وَمَعَ مَطَالِعِ هَذَا الْعَامِ الْجَدِيدِ حَقِيقٌ بِالْمَرْءِ أَنْ يُنِيبَ إِلَى رَبِّهِ وَأَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ عَلَى مَا سَلَفَ وَعَلَى مَا اقْتَرَفَ مِنْ عِصْيَانٍ. ثم اعلموا أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها تحمل أعظم الاعتبار، فطلوعها ثم غيابها إذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما طلوع وزوال. وانظر أيها المسلم إلى هذه الشهور تهل فيه الأهلة صغيرة كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل نموها أخذت في النقص والاضمحال، وهكذا عمر الإنسان. إننا في هذه الأيام ودعنا عاما ماضيا شهيدا ونستقبل عاما مقبلا جديدا، فليت شعري ماذا أودعنا في عامنا الماضي وماذا نستقبل به العام الجديد. قال أبو حازم رحمه الله: عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كيف نفرح والموت من ورائنا والقبور أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي ربنا موقفنا. ولقد وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بوصية بليغة تصحح منظور المسلم إلى هذه الحياة الدنيا، حيث قال عليه السلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها المسلم، حاسب نفسك في نهاية العام لتعرف رصيدك من الخير ومن الشر ومدخراتك من الأعمال الصالحة. هذه وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالمحاسبة تكشف عن خبايا نفسك وتظهر عيوبها، فيسهل عليك علاجها قبل أن تندم لفوات الأوان. والمحاسبة المثمرة تلك التي تولد ندما على المعصية وتحولا إلى الخير. فهلما نتساءل: حقوق الله هل وفيتها؟ حقوق العباد هل أديتها؟ ما حالك مع الصلاة؟ أما زلت غافلا عن تلاوة كتاب الله وقد كنت مقبلا عليه في شهر رمضان النوافل والمستحبات لما تفرطت فيها وهي علامة الإيمان وطريق محبة الرحمن فقد ورد في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أيها المسلم إنك في العام الجديد لا تدري ما يستجد لك فيه من أحوال مع تقلبات الليل والنهار فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك ومن شبابك لهرمك. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'à l'entrée de cette nouvelle année égyrienne, dont nous sommes aujourd'hui le quatrième jour, il est temps pour le musulman et la musulmane de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire un bilan de sa propre personne et de répertorier les désobéissances que tu as commises durant cette année passée. Et sache, chers musulmans et musulmanes, qu'il y a dans le soleil un signe. Ce soleil qui se lève tous les jours à l'est et se couche tous les jours à l'ouest, il y a dans cela un signe. Il y a dans cela une morale à tirer. Et cela fait rappeler à celui qui est doté d'intelligence que cette vie d'ici-bas n'est pas une vie éternelle. Mais c'est une vie qui, comme le soleil, apparaît et disparaît. Médite également sur tous ces mois qui se succèdent, ces mois lunaires dans lesquels le croissant de lune apparaît extrêmement fin, comme l'enfant qui vient de naître. Puis cette lune continue au fur et à mesure des jours de grandir, comme l'enfant grandit et croît jusqu'à ce que cette lune soit entièrement pleine comme l'être humain qui atteint l'âge de la raison. Puis cette lune se met à diminuer au fur et à mesure des jours jusqu'à disparaître. Et l'être humain, lorsqu'il aura atteint l'âge de la raison, eh bien, les années suivantes seront des années dans lesquelles il régressera jusqu'à s'éteindre le jour où il mourra. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces jours-ci, nous avons dit adieu à l'année précédente et nous accueillons désormais la nouvelle année égyrienne. Nous devons donc nous remettre en question. Qu'avons-nous laissé derrière nous? Qu'avons-nous accompli durant cette année qui maintenant s'est écoulée et ne reviendra plus par la suite? Et comment allons-nous accueillir cette nouvelle année? Et qu'allons-nous œuvrer durant celle-ci? Abu Hazim rahimahullah a dit: je m'étonne d'un peuple qui œuvre pour une terre qu'il s'apprête à quitter jour après jour, et il délaisse les œuvres pour une demeure vers laquelle il se rapproche jour après jour. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum, a dit: comment se réjouir alors que la mort est derrière nous, la tombe est devant nous, alors que le jour du jugement est notre rendez-vous à chacun, alors que l'enfer est le chemin sur lequel chacun passera, notamment au-dessus du pont. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et chacun d'entre vous le traversera. Comment être réjoui alors que le jour du jugement nous serons debout à rendre des comptes devant notre Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abdullah ibn Omar un énorme conseil qui remet aux musulmans les pendules à l'heure vis-à-vis de la réelle place de cette vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, s'est adressé à Abdullah ibn Omar en lui disant « Sois sur cette terre comme un étranger ou un voyageur. » Chers musulmans et musulmanes, remets-toi donc en question. Remets-toi donc en question et fais un état des lieux de ce que tu as accompli durant l'année précédente. Et regarde où en est ton compteur de bonnes actions et ton compteur de mauvaises actions. Juge-toi avant d'être jugé. Ainsi est le conseil de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anh, lorsqu'il disait « Jugez vos personnes avant d'être jugés et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. » Remets-toi en question, chers musulmans et musulmanes, car de se remettre en question permet de découvrir des faces cachées de ta personne. De te remettre en question te permettra d'ouvrir les yeux sur tes défauts et ainsi il te sera plus facile d'y remédier. Fais cela avant qu'il ne soit trop tard. Et la remise en question qui est profitable est celle qui a pour conséquence un regret des péchés et celle qui amène la personne à délaisser le mal et à courir vers le bien. Ainsi, pose-toi la question, chers musulmans et musulmanes, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, les as-tu accomplis? Les droits des serviteurs sur toi, les as-tu mis en pratique? Quelle est ta situation vis-à-vis de tes prières quotidiennes? Es-tu toujours insouciant vis-à-vis de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourtant, tu ne cessais de le lire matin, midi et soir pendant le mois du Ramadan. Et concernant les actes surérogatoires, pourquoi es-tu insouciant vis-à-vis de ces actes? Et pourquoi les délaisses-tu alors que celui qui accomplit les actes surérogatoires, cela est une marque de sa foi et cela est une voie qui t'amènera à obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudusi, et mon Seigneur et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, remets-toi donc en question et commence cette bonne année hygiénienne dans les meilleures conditions, car tu ne sais pas, avec la succession des jours et des nuits qui vont arriver, tu ne sais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé. Profite donc de ta bonne santé avant ta maladie, profite de ta vie avant ta mort, profite de ta richesse avant ta pauvreté et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أن شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله نصر الله فيه موسى وقومه على فرعون وملئه وصيام أيامه فاضلة يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم ومن شكر الله على نعمه استفتاح هذا العام بعمل من أفضل الأعمال بصيام أفضل أيام غرة العام يوم عاشوراء يقول ابن عباس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. متفق عليه. وصيام كفارة للخطايا وصيامه كفارة لخطايا عام قبله. قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويستحب للمسلمين أن يصوموا اليوم العاشر وأن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده عملا بهديه عليه الصلاة والسلام. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le mois d'Allah al-Muharram, qui est le premier mois de l'année hijrienne, fait partie des mois les plus immenses auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à Moussa face à son peuple, qui a donné la victoire à Moussa et son peuple face à Pharaon et à son armée. Et le fait de jeûner pendant le mois de Muharram est méritoire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois du Ramadan est de jeûner le mois de Muharram. Et la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière nocturne, rapportée par Muslim. Et fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala le fait de commencer ce mois par un acte, par une adoration qui fait partie des meilleures adorations, à savoir de jeûner le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, a trouvé que les juifs jeûnaient le jour de Ashura. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce jour que vous jeûnez? Ils ont dit, c'est un jour immense dans lequel Allah a sauvé Moussa et son peuple et a noyé Pharaon et son armée. Moussa a jeûné ce jour en guise de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous le jeûnons également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc jeûné ce jour et a ordonné qu'on le jeûne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le fait de jeûner le jour de Ashura permet d'expier les péchés d'une année précédente. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, j'espère d'Allah qu'à travers ce jour, c'est-à-dire à travers le jeûne du jour de Ashura, qu'Allah pardonne les péchés de l'année précédente, rapporté par Muslim. Et il est recommandé aux musulmans, en plus du jour, en plus de jeûner le 10e jour, de jeûner un jour avant ou de jeûner un jour après, ceci en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Et sachez que le jour de Ashura coïncidera cette année au jeudi 14 novembre. Ainsi, il est recommandé de jeûner un jour avant, à savoir le mercredi, ou de jeûner un jour après, à savoir le vendredi. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا من المنيبين إليك. اللهم اجعلنا من المنيبين إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.